La Horde. Aoun, Zur et les femmes louves demeurèrent un mois dans la chaîne basaltique. Une seule femme était morte. Quatre autres étaient blessées. La plaie d'Aoun n'avait aucune gravité. Délivrés des Chéléens, ils furent les maîtres de la savane, de la jungle et du fleuve. Par sa seule présence, le félin géant chassait au loin les grands fauves. Aussi, la vie fut ample et facile. Parce qu'ils avaient couru tant de périls, Aoun et Zur goûtaient le repos dans sa plénitude. Zur aimait ces heures vagues où les souvenirs et les images déferlent dans la tête. Son âme connaissait la douceur des repliements que lui avait transmise une race destinée à s'éteindre. Il ne s'éveillait que pour inventer des pièges, pour aller cueillir des racines comestibles. Dans le repos même, Aoun était la proie d'instincts tumultueux et de besoins confus, qui dilataient son être. Il était continuellement surpris par le flottement épars de la chevelure, par la lueur changeante des prunelles de Djéa. Tout en elle semblait se renouveler comme les matins sur le fleuve, comme les fleurs sur la savane. Parfois une révolte traversait la poitrine du nomade. Il devenait comme les autres hommes, il méprisait la faiblesse. L'instinct tendre devenait rude et belliqueux. Et il se tournait vers Utch, prêt à lui demander de célébrer les rites de sa race, de terrasser Djéa et de lui blesser la poitrine avec une pierre de silex. Les femmes ne demandaient pas une autre existence que celle qui leur donnait une sécurité si profonde. Elles perdaient le sens de leur liberté. Elles abritaient leur destin sous celui du grand Oularmre. L'avenir échappant à leur imagination courte, elles n'avaient plus, après la longue infortune, d'autre désir que cette abondance tranquille qui se renouvelle chaque soir et chaque matin. Elles avaient même accepté qu'Aoun relâchât les deux captifs. Lui-même les avait conduits jusqu'à la fourche du fleuve et de la rivière. On ne fut plus qu'à 5 semaines de la saison des pluies. Aoun songeait plus souvent à sa horde, à Nao, vainqueur d'Exam, des nains rouges et d'Agou le velu, au feu des soirs et aux rudes compagnons, dont pourtant il n'aimait point la férocité. Un matin, il dit à Utch : « Voici, Aoun et Zur vont revoir leur horde. Les louves choisiront une caverne près de la montagne. Après les temps froids, les Oularmres reviendront. Ils seront les alliés des louves. » Utch et les louves sentirent peser la menace du monde. C'était dans la plaine, près de la rive du fleuve. Elle se pressait auprès du fils de Lerus. Les plus jeunes gémirent. Djéa avait bondi. Sa poitrine était haletante, ses yeux immenses se remplissaient de larmes. Aoun, ivre, la contempla quelque temps en silence. Il dit « Utch a promis que Djéa serait la femme d'Aoun. Djéa obéira. » Il se tourna vers Utch et murmura avec un léger tremblement « Donne-moi Djéa comme compagne. » Utch jeta au chef un regard où passait une longue mélancolie. Puis elle saisit Djéa par la nuque et la terrassa. Ensuite, abaissant la pierre aiguë, elle fit une longue blessure qui allait d'une épaule au milieu de la poitrine. Le sang jaillit où Aoun trempa ses lèvres. Utch prononça des paroles qu'avaient prononcées les ancêtres et qui donnaient la femme à l'homme. Le lendemain, la petite troupe se mit en route. Aoun et Zur avaient quitté tristement le félin géant. Le roi était plus chagrin que son compagnon. N'ayant pas d'amour au cœur, sa race devait finir en lui. Il regrettait amèrement la caverne et cette alliance avec le fauve qui était son œuvre, car rien ne l'attirait vers la horde. Il y était étranger et les jeunes Oularmres le méprisaient. Ils traversèrent l'endroit où les lions jaunes s'étaient enfuis devant les éléphants ancêtres, passèrent près de l'arête granitique où le Machérodus avait dévoré le rhinocéros, où Aoun avait tué le Machérodus. Puis ils arrivèrent devant ce dur promontoire que la montagne avançait dans la terre chéléenne. De là-haut, ils avaient découvert le fleuve et l'étrange bête rouge qui vivait déjà au temps où le félin géant, précurseur du lion et du tigre, n'existait pas encore. C'est là que les louves choisirent une caverne spacieuse pour passer la saison des pluies. Ensuite, elles aidèrent Aoun et Zur à trouver une voie vers la montagne. Et la séparation fut farouche. Elles ne sentirent plus auprès d'elles cette force qui les avait délivrées des Chéléens. Elles vivraient seules devant le monde plein de pièges. Au pied de la ravine où les trois voyageurs s'engagèrent, elles poussèrent une longue plainte. Aoun clamait, nous reviendrons au bord du grand fleuve. Son propre cœur était lourd. La terre qu'il quittait était pleine d'embûches et d'ennemis. Mais il avait triomphé, mais il avait été le maître des périls. Les hommes et les bêtes s'étaient pliés sous sa force. Il emportait Jéa. Zur ne rêvait pas d'autre joie que de retourner vers la chaîne basaltique. Les matins et les soirs moururent. Aoun, Zur et Jéa suivaient les sentiers violents de la montagne. Aoun avait hâte de revoir la horde. Chaque étape qui le rapprochait rappelait des joies à son âme jeune. Le temps vint où ils retrouvèrent ce haut défilé qui s'était présenté au sortir de la montagne. Puis ils arrivèrent devant la fissure. Comme elle s'était élargie, ils eurent moins de peine à la traverser. Les cavernes furent là où retentissait la voix des eaux. Ils y dormirent, puis ils passèrent 2 jours avant de retrouver la horde. C'était vers le déclin du jour, au pied d'une colline, sous le surplomb d'un énorme roc de porphyre. Les femmes entassaient les branches sèches où Nao devait mettre le feu. Les guetteurs clamèrent et Aoun parut le premier devant le fils du léopard. Il y eut un grand silence. Les femmes épiaient Jéa avec malveillance. Nao dit gravement, « Il y a une saison que vous êtes parti. » Nous avons traversé la montagne et nous avons découvert de grandes terres de chasse, répondit Aoun. Le visage de Nao s'épanouit. Il se souvint de ces temps farouches où il s'était mis en route avec Nam et Go pour conquérir le feu. Il revécut la bataille avec l'ours gris et la tigresse, la poursuite des dévoreurs d'hommes, l'alliance avec le chef des mammouths, la perfidie des nains rouges et la douceur des oies, la forêt des hommes aux poils bleus, la surprise de l'ours des cavernes, et la rencontre terrible au retour d'Agou le Velu. Il avait rapporté le feu et le secret de le tirer des pierres, appris chez les hommes sans épaules. « Va, dit-il, Nao écoute le fils de l'Urus. » Il mit le feu au bûcher et laissa parler son fils. À mesure, son âme aventureuse s'exaltait. La bête rouge le remplit d'étonnement. Mais il se révolta quand Aoun déclara que les éléphants ancêtres étaient plus grands que les mammouths. Aucune bête n'est plus grande que le mammouth avec qui Nao a vécu dans le pays d'Exam. Il reconnut le fauve qui vivait dans la chaîne basaltique et il interpella Nam. Il tue le tigre aussi facilement que le lion tue une panthère. L'alliance avec le félin géant l'enthousiasma. Il tourna vers Zur sa face bienveillante. Les oies furent les plus rusés des hommes. Ce sont eux qui trouvèrent le feu dans la pierre. Ils traversaient les eaux sur des branches entrelacées et connaissaient les eaux qui coulent sous la terre. Les combats avec les Chéléens firent haleter sa poitrine. Les yeux étincelants, il posa la main sur l'épaule du jeune homme. Aoun a le cœur et la force d'un chef. Tout autour, les Oulambres écoutaient, mais ils demeuraient pleins de méfiance. Ils songeaient que Nao avait reconquis le feu et sauvé la horde, qui mourait de froid sur les roches, tandis qu'Aoun ne rapportait qu'une fille étrangère et ce compagnon chétif que personne n'aimait. Kouam, fils de la Guègre, s'exclama. « Aoun n'a-t-il pas dit que ces terres sont beaucoup plus chaudes que les nôtres? Les Oulambres ne pourront pas y vivre. Quand nous avons traversé la plaine calcinée, les guerriers et les femmes mouraient comme les sauterelles en automne. » Des voix sourdes approuvèrent. Aoun connut que la horde l'aimait moins encore qu'avant son départ. Pendant 1 semaine, le fils de l'Urus goûta la douceur d'être parmi les hommes de sa race. Il s'en allait à la chasse avec les autres, ou bien il se tenait auprès de Jéa, à qui les femmes de la horde ne parlaient point. Peu à peu, une tristesse contracta sa poitrine. Il avait le sentiment d'avoir accompli une tâche égale à celle de Nao. S'il ne rapportait pas le feu, il venait annoncer qu'une terre immense et inépuisable de vie existait au-delà des montagnes. Il se connaissait supérieur à tous les jeunes hommes et aussi fort que le chef. Or, les Oulambres ne l'admiraient point. Tous lui préféraient Kouam, dont la massue ni le harpon n'eussent pu lutter contre la massue et le harpon d'Aoun. C'est Kouam qui sera chef si le fils du léopard mourait. C'est à Kouam qu'il faudra obéir. Et son commandement serait dur pour Aoun. Il exciterait contre lui, contre Jéa et contre Zur des haines qui ne demanderaient qu'à grandir. Déjà, avant son départ, on reprochait au fils de l'Urus de préférer la compagnie du Wa, et maintenant il s'était uni à une fille née sur une terre où jamais la horde n'avait pénétré. Ainsi, il devenait un étranger, et les femmes surtout le détestaient. Quand elles se détournaient de Jéa avec des paroles injurieuses, quand elles étaient plusieurs, un murmure rauque s'élevait au passage de l'intruse. Les sœurs même d'Aoun la fuyaient. Au crépuscule, isolée avec la jeune louve et le oua, Aoun sentait plus vivement son humiliation. Une impatience terrible brûlait ses veines. Après quelques jours, il se révolta. Il n'essayait plus de se rapprocher des autres. Il s'isolait opiniâtrement avec Zur et Jéa. À la chasse, il s'écartait chaque fois que les ordres de Nao ne le retenaient pas auprès de la horde. Il fuyait pendant des journées entières auprès du fleuve souterrain, et souvent, poussé par une impulsion trop forte, il se retrouvait devant cette fissure qui menait vers le pays de l'aventure. Un matin, il se mit à la recherche d'un léopard. Les léopards abondaient dans les forêts voisines. De grande taille, prudents et audacieux, voraces et agiles, ils exterminaient les élafes, les saïgas, les onagres et même les jeunes aurochs. Nao ne les chassait point, liés à eux par d'obscurs totémismes. Beaucoup d'oulamres les redoutaient parce que, blessés, ils se défendent avec acharnement. Peu de chasseurs solitaires osaient les attaquer. Dans la forêt, Aoun rôda longtemps sans trouver aucune trace de la bête. Un faible cours d'eau ruissela dans un lit de silex. Le nomade perçut l'odeur du léopard. Il se coucha parmi les fougères et s'immobilisa. À l'amont du rio, sous de longues arcades feuillues, il discernait une faible élévation rocheuse, dont l'avancée formait une manière de caverne. Une bête y sommeillait, la tête entre les pattes, dans une sécurité profonde. Aoun, malgré la distance et la lumière affaiblie, reconnut le léopard. Près de 1200 coudées séparaient l'homme de la bête. Le guerrier avança de 800 coudées sans que la bête sortît de son assoupissement. Comme il s'engageait dans un fouillis de hautes herbes, la tête ronde se dressa. Deux feux d'ambre et d'émeraude s'allumèrent dans l'ombre des roches. Aoun s'aplatit contre la terre, tandis que le fauve flairait longuement. Un moment, les yeux étincelants épièrent l'ambiance, puis le mufle s'abaissa. Le torse oscillé redevint inerte. Aoun laissa passer de longues minutes avant d'en se remettre en route. Il lui fallait encore franchir près de 200 coudées. Ensuite, à l'aide du propulseur, il pourrait lancer une sagaie. À cette distance, si l'arme atteignait au but, la blessure ne pouvait être mortelle. Mais Aoun espérait que la bête furieuse accepterait le combat. Une faible brise souffla qui emportait obliquement l'émanation du chasseur. Il se hâta, il gagna 150 coudées, puis se cacha derrière un arbre. De nouveau, le léopard relevait la tête aux écoutes. Puis il sortit du repère pour mieux aspirer les effluves suspectes. Soudain, une bramée se fit entendre. Une biche bondit entre les sycomores, et le léopard s'élança. La biche fit un crochet vers l'arbre qui cachait Aoun. Le guerrier se leva et fit tournoyer le propulseur. Atteint à la nuque, le léopard poussa un miaulement frénétique. Il hésitait pourtant. Il épiait l'adversaire et il se glissa parmi les fougères. Pour éviter une surprise, Aoun se plaça dans un endroit découvert, tenant d'une main la massue et de l'autre une sagaie. Le léopard ne se décidait pas à l'attaque. À travers les végétaux, il apercevait distinctement l'homme et il cherchait un moyen de l'approcher à couvert et de sauter sur la nuque. Sa fureur était tombée. Il sentait à peine sa blessure et quoiqu'il eût déjoué toutes les embûches des oulamres, il pressentait un ennemi dangereux. Il tenta de tourner la position et se vit partout à plusieurs bonds de l'homme. Aoun, apercevant le pelage ocellé, lança la sagaie. Elle dévia dans les fougères. Le léopard battit en retraite vers les futaies profondes. Depuis quelque temps, d'autres êtres s'agitaient dans la stylbe. Le chasseur flaira l'approche d'une troupe d'hommes. Poussant un cri de ralliement, il s'élança à la poursuite du félin. Des têtes surgirent, éparses, des sagaies volèrent sans résultat. Soudain, Kouam montra son torse musculeux. Et brandissant le propulseur, lança un harpon. Atteint au flanc, le léopard rebondit et tournoya, prêt à la bataille. Kouam avait disparu. Toutes les têtes s'étaient dissimulées. Seul Aoun demeurait visible. Le léopard n'hésita plus. En trois bonds, il fut sur le fils de Lurus et il s'élança. La massue l'arrêta et le rejeta sur la terre. Puis elle fracassa le crâne, et la bête roulant sur elle-même, avec un cri rauque, expira. Alors Kouam et ses compagnons accoururent. Appuyé sur sa massue, le fils de Lurus les regardait venir. Il croyait qu'ils admireraient sa force. Une douceur amicale, l'attrait de la race, montait en lui. Mais les faces étaient dures. Un de ceux qui suivaient Kouam, ainsi que Zur, suivant Aoun, s'exclama. Kouam a vaincu le léopard. Des grognements l'approuvèrent. Kouam se dressait devant le cadavre, montrant le harpon profondément enfoncé dans ses côtes. Aoun se révolta. Ce n'est pas Kouam qui a vaincu le léopard. Les Oulimbres ricanèrent en montrant le harpon. L'homme qui avait parlé d'abord reprit. C'est Kouam, Aoun a achevé la victoire. Le fils de Lurus éleva sa massue. La colère hurlait dans sa poitrine. Il clama avec dédain. Qu'est-ce qu'un léopard? Aoun a vaincu la bête rouge, le tigre et les hommes d'Aul. Nao seul est aussi fort. Kouam ne recula point. Il sentait autour de lui les poitrines des compagnons. Kouam ne craint ni le lion ni le tigre. Une tristesse amère pesa sur le cœur d'Aoun. Il fut comme un étranger devant ces hommes de sa race. Saisissant la carcasse, il la jeta devant eux. Voilà, le fils de Lurus ne frappera pas des Oulamres. Il leur donne le léopard. Ils ne ricanaient plus. Leurs yeux féroces se fixaient sur la haute stature et la massue énorme. Tous reconnaissaient sournoisement cette force, pareille à celle des grands fauves. Mais ils la détestaient et ils en dédaignaient la douceur. Aoun retourna vers le campement, plein de dégoût et d'ennui. Quand il arriva près de la roche surplombante, il trouva Jéa toute seule, recroquevillée sur un bloc. Elle se leva à sa vue avec une plainte. Sa joue saignait. Jéa s'est blessée, fit-il en lui passant le bras autour des épaules. Elle répondit à voix basse. Les femmes ont jeté des pierres. Elles ont jeté des pierres à Jéa. Elle inclina la tête. Un tremblement parcourut le nomade. Et voyant que le camp était désert, où sont-elles? Demanda-t-il. Je ne sais pas. Il baissa la tête, farouche. La peine qui était en lui devint intolérable. Et dans le silence qui suivit, il sentit qu'il ne voulait plus vivre avec la horde. Jéa aimerait-elle retourner auprès des louves avec Aoun et Zur? Murmura-t-il. Elle leva vers lui une face où la joie hésitait à naître. C'était une créature soumise et craintive. Elle souffrait parmi les Oulamres. Elle endurait la haine, le mépris et la risée des femmes, plus accablée d'entendre à peine la langue de la horde. Elle n'osait se plaindre et n'aurait pas parlé de sa blessure si Aoun ne l'avait interrogée. Elle s'exclama « Jéa ira ou ira Aoun ?» Mais ne préfère-t-elle pas vivre avec sa horde? Oui, chuchota-t-elle. Nous retournerons donc au bord du grand fleuve. Elle poussa un soupir de délivrance et appuya sa tête sur l'épaule de l'homme. Au retour du Wa, qui revenait des terres souterraines, le fils de Lurus l'attira à distance du campement, car les femmes et les chasseurs étaient revenus. Voilà, fit-il brusquement. Aoun voudrait-il revoir les louves, le tigre d'Exam et la haute caverne? Zur leva ses yeux vagues. Un rire ouvrit ses lèvres. Il savait que son compagnon vivait des jours chagrins dans la horde, et lui-même avait le cœur lourd. Zur sera heureux dans la haute caverne. Ces mots dissipèrent la dernière incertitude du nomade. Il se rendit auprès de Nao qui reposait à l'écart, sous une saillie de porphyre, et déclara « Les guerriers n'aiment pas le fils de Lurus. Il veut repartir de l'autre côté de la montagne. Il vivra avec les femmes louves, et il sera l'allié des Oulamres. » Nao écoutait gravement. Il avait de la prédilection pour le jeune homme, mais il connaissait la version de la horde. Il prévoyait des luttes pénibles. La horde est mécontente de voir Aoun avec des étrangers, acquiesça-t-il. Elle ne lui pardonnera pas s'il demeure avec elle. Mais les Oulamres respectent les alliés. Ils ont combattu avec les hommes sans épaules. Ils préféreront Aoun quand il les aura quittés. Et voici. Au printemps, Nao conduira les siens de l'autre côté de la montagne. Il occupera les plateaux, tandis que les louves occuperont la plaine. S'il descend pendant les saisons froides, il ne chassera pas sur la même rive qu'Aoun. Ainsi, l'alliance sera sûre. Il posa la main sur l'épaule du jeune homme et ajouta « Le fils de Lurus aurait été un grand chef parmi les Oulamres s'il n'avait pas préféré le Wa aux hommes et une étrangère aux femmes. » Le fils de Lurus reconnut la force de ses paroles. mais il ne regretta rien. Il préférait plus que jamais Zur et Jeha. Seule l'absence de Naou lui serait dure. Aoun apportera des dents et des pierres brillantes au fils du léopard, murmura-t-il. Le crépuscule venait. Une mélancolie douce s'abattait sur les deux hommes. Leurs âmes étaient aussi semblables que leur destin était différent. Chacun avait porté au loin sa force et son audace, mais des actes presque identiques faisaient du père un chef et du fils un exilé.